un peu les filles. Allez, vous marquez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue sur Érigé, la radio de John Hayday, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Je suis heureux de vous retrouver ici pour une nouvelle saison 2018-2019. Je ne sais pas combien d'années, on a fait 11-12 ans sur Érigé, un truc comme ça. Et voilà, on attaque une nouvelle saison. Je suis très heureux de vous retrouver et que vous vous retrouviez cette émission. Je sais que vous l'attendiez avec impatience. Premier mercredi du mois, qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude? Eh bien, je vous propose Johnny Hallyday en live avec beaucoup de titres qui n'ont jamais été diffusés dans cette émission. Nous allons fêter, bien entendu, les 20 ans du Stade de France 1998 avec des sessions, on va dire, des répétitions hein, du Zénith en 1998. Et puis après, des soirs de le 5, le 6 et le 11 septembre 1998. Il y aura aussi l'Olympia 2000, on aura des années 70, et puis aussi la dernière date de John Hallyday, je vous diffuserai un titre, Le Pénitencier de Carcassonne en 2017. Dernier concert de John Hallyday. Êtes-vous prêt pour suivre cette émission, cette première émission de la saison 2018-2019? Ouais, c'est la rentrée. Ah ouais, je bafouille en même temps, ça change pas ça. On va attaquer tout de suite avec un titre qui n'a jamais été diffusé auparavant dans cette émission. John Hallyday en 1965. Il y aura une petite présentation, hein, ce n'est pas moi qui l'a faite. Et on va le retrouver, c'est très très mal écrit mon truc, c'était dans l'émission Interjeune le 20 août 1965. Johnny va nous interpréter trois titres. Money That's What I Want, qu'ont chanté les Beatles également, Quand revient la nuit et Au Carole. Mais on attaque tout de suite, plus de deux heures de bonheur avec John Hallyday dans l'émission Johnny de la Z sur RIG. Bonne soirée à toutes et à tous, John Hallyday, c'est parti. Johnny Hallyday qui avait encore des fans en 1965 alors que le rock'n'roll s'était transformé petit à petit en yéyé. Concert de Johnny Hallyday enregistré en août 1965 pour Interjeune.

Carroll, John Hayden en 1965. On va retrouver tout de suite John Hayden dans les années 70, en 1978 exactement. Et on va le retrouver à Palavas les Flots avec le titre Johnny revient. Il y aura aussi Un coup pour rien, La fille du square. Évidemment, ces morceaux-là, vous les connaissez dans cette émission.

enfin ce titre inédit qui est sorti. On espère d'autres titres, bien entendu, comme, je sais pas, Je veux te graver dans ma vie, hein, l'officiel de Sylvie et de Johnny, le jour même, lors de ce Parc des Princes. En retour de Johnny Hallyday en 1995, c'était à Nîmes, exactement le 29 novembre. Il va nous interpréter deux titres, Oh ma jolie Sarah et What a shaking going on. Et entre les deux, une petite surprise. Vous écoutez toujours Érigé, la radio de Johnny, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Ou plus. Je vais garder l'appareil, je vais garder l'appareil. Je vais être mal. Rendez-vous. Vous avez le choix ce soir de vous faire dans l'unplug, de vous faire ou des slow ou du rock and roll. Vous avez envie de quoi là? Vous Alim, vous avez envie de quoi? Ulma Educhica, last food argento, Brasil Alonda, a prospero vento, vedi calagile. I said, come on over, baby, come on, I'll shake it right now. Come on over, oh, I'll shake it right now. I said, come on over, baby, we got a chicken in the bar. We're going to call my bar. Come on over, baby, we got a chicken in the bar. Come on over, oh, I'll shake it right now. I said, shake, baby, shake. I said, shake it, baby, shake. I said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. Come on, hey. Come on, let's go. I said, come on, baby, we've got a chicken in the bottle. Présent, nous allons passer un passage télévision. Et remets ça. Passage télévision, c'était les années tubes en avril 1996. Ça, ce sera pour Vegas. Applaudissements, s'il vous plaît. Toujours les années tubes, c'était le 27 avril 1996. Voici le titre Restez libre et après, Johnny nous réserve une petite surprise. Tant que je pourrai tenir, tant que le sang coulera dans mon corps, j'irai voir à l'envers du décor, étonné toujours et encore. Tant que je pourrai le dire, tant que des voiles m'attendront dans les ports, j'irai voir à la mer, chasser l'écume dans mon cœur, mais tout pour rester libre, de partir avant que l'habitude me prenne tout mon temps, rester libre, de choisir mon temps, et fixer le soleil droit devant, comme un pari d'enfant. Partir en guerre entre ses yeux qui regardent sans voir, contre ses heures de misère, à rester sur le bord d'un trottoir. Je pourrais aussi me taire quand l'humour lui parle plus fort que le vent, quand il y a tant de choses à faire. Et pour finir, chose promise, chose due. Puisque vous avez été bien sage, Johnny vous propose une version inédite de Whole Lotta Shaking Going On, ou plus simplement Shake Baby Shake, une interprétation entièrement dédiée à ses fans. Alors je fais un truc pour vous alors, hein, hors caméra. I said, come on over, baby, whole lot of shaking going on. Come on over, whole lot of shaking going on. I said, come on over, baby, we've got a chicken in a ball. Whose ball? What ball? My ball. Come on over, baby, we've got a chicken in a ball. We ain't faking, whole lot of shaking going on. I said, shake, baby, shake it. I said shake, baby shake. I said shake, baby shake. I said shake, baby shake. Come on over. A whole lot of shaking going on. Come on, let's shake. I said to shake, baby shake. I said to shake, baby shake. I said to shake, baby shake. I said to come on over, baby, whole lot of shaking going on. Shh. I said shake it. Oh, I said shake it. We'll shake it. I said shake it. Come on over, a whole lot of shaking going on. I said shake it, baby shake it. I said shake. Baby, shake. Come on, honey. All you've got to do, baby, is just shake around me. Vous écoutez Érigé, la radio de Junaïdé, Johnny de A à Z, de 22h jusqu'à minuit, tous les mercredis, bien entendu. Et là, maintenant, on va retrouver, c'était il y a 20 ans, Junaïdé au Zénith pour la répétition du Stade de France, 98. Voici qui nous apportera deux chansons, Hey Joe et le titre de suite, Dégage. Dégage. Pour plein comme s'il n'y a pas le feu, c'est toi. Hey Joe. Hey, viens dire bonjour, allez. Hey, j'en mourrai pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît. J'ai même plus de montre. J'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je le sais. Ouais, rien qu'un lit froid sans personne dedans, non. Hey Joe. Si on parlait, dis-moi, mais de quoi? Le chômage, la bombe, tu t'en fous de tout ça, toi. Et comme tu dis la vie c'est le métro à 6 heures, et chacun pour ça. Mais pour toi, Joe, y'a toujours une place, mais pas pour moi. Un mix entre le Zénith 98 et le SDF 98. On va retrouver deux suites au sous-suite Johnny Hallyday avec le medley R&B. Voilà, on a pensé vous faire plaisir, on a remis quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps. un medley de rock and blues. Je crois que ça vous plaît. We'll be right back. en pleurs ou que j'en ris, que ce soit fini. Oui, tout est bien fini. C'est bien écrit. Oui, c'est bien écrit. Non, ne m'attends pas. Non, ne m'attends pas, je ne viendrai pas. Non, ne m'attends pas. Car tout est fini. Oh, tout est bien fini. Moi je me sens seul. Le cap tout est bien fini. Oui, moi je me sens seul. Pour moi j'ai tant besoin d'amour. Moi j'ai tant besoin de ton amour. Oui, j'en suis seul. En 1998. Et pour l'occasion, pour les 20 ans du Stade de France, il devrait, je précise bien, il devrait, je parle au conditionnel, sortir une édition collector pour les 20 ans donc, du Stade de France 98, avec entre autres le concert du 11 septembre et les répétitions du Zénith. J'attends d'en savoir plus pour vous donner tous les détails. On retrouve toujours Junaïdé en répétition. En répétition cette fois-ci pour le Stade de France en 1998, mais à la fin il y aura une petite fin Stade de France parce qu'il y aura entendre le public et toutes les compagnies. Vous écoutez toujours Johnny de Mazel. On donne à l'obscurité et la lumière. On donne la faim, la soif, puis un festin.

vous avez reconnu que nous allons entendre, écouter du moins, Diego. Toujours les répètes du Stade de France 1998. Ce fameux 11 septembre 1998, le 4 septembre a été annulé pour cause de pluie, et là on revient au 11 septembre, et bien là aussi il pleut. On retrouve John Hayday avec Cet homme que voilà, Rock'n'Roll Man et Sur ma vie. Et tu vas m'écouter. La femme que j'aimais, tu me l'as fait quitter. Et je suis devenu

femme auprès de moi. Quand tu me dis je t'aime, est-ce bien moi que tu aimes? Et lorsque tu me fais l'amour, est-ce que tu fais courageux d'être là ce soir et de rester là ce soir, et rien que pour ça, rien que pour vous et pour tout ça, je suis fier de faire ce métier par rapport à vous. Merci. merci. Merci de tout le monde. Vous êtes formidable. Ah, on l'aura fait quand même ce spectacle. Et à présent, on va retrouver John Hallyday à Bruxelles, toujours en 1998, avec le titre « La musique que j'aime ». Vous écoutez toujours RIG et l'émission Johnny de A à Z. Johnny de A à Z fait sa rentrée, la rentrée 2018-2019. Et ça, vous allez retrouver cette émission pratiquement tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Jamais les mêmes pour exprimer ce que le blues. J'y mets mes joies, moi j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps, sur des guitares, les mains noires lui donnaient le jour. J'ai les peines et les espoirs. On sentait Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que le vivra. Le blues, la danse avec la canutelle. Et tu sais mal encore. Je pleure et je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. J'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps, sur des guitares, les mains noires lui donnaient le jus. Pour sentir les peines, je les espère. Pour sentir Dieu et puis l'amour. C'est ma prière pour se garder. Je souffre la musique que j'aime. Et les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer

je peux t'emmener à Nashville, là où je ne suis pas né, montrer les rues de la ville, là où je n'ai jamais joué, les amis d'enfance, la graine de violence, mon rêve tout bleu. N'en parlez pas, existait. J'ai pu. Oui, pour ce père que je n'ai pas eu. Pour ce père que je n'ai pas eu. Oh, pour ce père que je n'ai pas eu. À présent, on va entre Juna Aidé à l'Olympia le 25 juillet 2000 avec le titre Diego. À nouveau Diego, oui, mais c'est une autre version. Quelques mots qui passaient si fort. Dehors il fait chaud et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Quel est ce pays où frappe la nuit? N'était pas uniquement à l'Olympia, c'était aussi en tournée, par exemple à Marseille avec le titre Deux étrangers. Marseille, le 16 juillet 2000. Et après son amour, et comme de l'étranger. Et toi et moi. Ouais. On a fait tellement l'amour. Tellement l'amour. Jusqu'à épuiser nos. Je t'aime, ceci était à Vichy, le 29 juillet de l'an 2000. Dans tes cheveux s'étalent, comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur, les montagnes et les forêts, et les îles au trésor. Dans ta bouche, je fais douce. Quand

ta bouche quand je vois ton sourire. Comme tu peux partir loin quand la musique est là. qu'il faut s'aimer vivre. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Une fois. Aimer vivre deux fois. Il faut s'aimer trois fois, ouais. Ah, quatre. De la soirée, pour cette émission de la rentrée Johnny de A à Z sur RIG, je vous propose d'aller à Carcassonne le 5 juillet 2017 lors du dernier concert d'Ilia et Canaille et donc le dernier concert de Johnny Hallyday. Voici le titre, Le Pénitencier. Je t'ai trop fait le écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons. Oui, tout droit en prison. C'est la fille qui m'a aimé. J'étais trop fait pleurer. Et là, elle est honte que tu as versé. Oui, il faut. Déjà de s'achève cette émission, cette première émission de la saison 2018-2019. J'espère que cette émission vous aura plu et qui vous donnera envie de revenir la semaine prochaine et pour les semaines suivantes. Et puis évidemment, comme tous les jours, comme à chaque mercredi, parlez-en autour de vous. Ouais. Et chaque mercredi, je compte évidemment sur vous. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette première émission de la saison. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, bien entendu. Et entre-temps, bonne nuit à toutes et à tous. Bye bye. Oh, l'anarchiste, c'est vachement plus ordonné que nous. In RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Du genre, ben oui, je déborde comme d'habitude.